du soleil dans le chat aujourd'hui. Vous êtes chaud ou quoi? J'ouvre le stream, café en main, l'écran se remplit de matin malin. T'as cliqué, t'as pas prévenu, mais je sens déjà que t'es dans le coup. On se marre, on fait, on relance, même quand le serveur part en vacances. Vois ton blaze et je souris direct, t'es là pour le feu, pas pour le perfect. On chill, on build, on vit le jeu, mais surtout on le fait à deux. Let it click, let it vibe, feel the stream. Ma raison, on fait du bruit, on fait du lien, et ça c'est bien plus que rien. Réfléchir pour que la fête ne cesse de grandir. Fait une partie. Moi. Et Red Skill aussi.